Mais mes amis, vous pourrez rire, mais... Non. C'est pas la grande forme. Ah. Aussi bien physique que moral. Pour le physique, je lutte au schnapps. Pour le moral, j'ai cru que l'humiliation de mes voisins suffirait. Que de faire pipi sur la jambe de ma concierge me remonterait le moral. Que dalle, oui. J'ai donc décidé d'aller voir un professionnel. J'ai de voir un bzi. Je suis arrivé chez lui, enfin chez elle. Elle m'a reçu dans son cabinet. Bonjour madame, je veux... Hein? Que je m'allonge sur le canapé? Eh ben, tu perds pas de temps la musaraignée. Où je les mets où mes vêtements? Ah, je reste habillé. Très bien. Mes relations avec ma mère? D'où ce regard morue? Hein? C'est pour m'aider? Bon ben, avec ma mère, oui, c'était pas facile tous les jours. Elle m'a battu jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis quand j'ai grandi, et... enfin, ça m'est arrivé à mon tour de lui mettre des peignets et... C'est quoi? Si j'ai déjà fait l'amour avec ma mère? Mais t'es malade ou quoi? Je te demande moi si tu mets des doigts dans ton caniche? Je vois pas ce que ça a à voir avec une quelconque thérapie, mes histoires de cul avec ma mère. Bon allez, on va parler d'autre chose, hein. Et si on parlait de toi? Tu fais quoi dans la vie quand tu fais pas chier le monde? C'est quoi tes positions préférées? Tu manges quoi pendant l'amour? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses à l'abbé Pierre quand tu te caresses, par exemple? Hein? Ah, quand faut répondre, y a plus personne, l'abzi, hein? Écoute, je crois qu'on devrait arrêter la séance ici. Alors approche-toi et... écoute-moi. Dans les peaux d'Amsterdam, y a des marins qui bleurent. Y a des marins qui pissent, des femmes qui mangent des paninis. Et des labradors qui mangent du crabe. Alors t'as envie de moi maintenant? Elle m'a dit non, la licorne. Alors du coup, je lui ai fait une clé à la gorge. Elle a crié, je lui ai arraché les ongles. Elle a vomi, je lui ai coupé l'oreille droite. Normal. Et j'ai crié dedans. Cabri, c'est fini! Je n'irai plus jamais où tu m'as dit prends-moi comme une hyène! Et là, évidemment, elle a craqué. Et pendant 18 heures, on a fait... Oh. On a fait... L'amour. Oh, et puis je suis rentré chez moi. Bon, je vous laisse, je vais me reposer, je suis claqué. Au revoir, Zen.